بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Je suis très heureux d'être parmi mes frères de la ville de Rennes. Nous nous retrouvons ce soir, inshallah ta'ala, afin de parler de talab al-ilm, cette adoration immense parmi les meilleures adorations dans notre religion, et quelques règles qui concernent cette adoration. Donc, dans cette soirée du vendredi, le 27 du mois d'Al-Qa'da de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 16 juin 2023. Avant de commencer, je vais faire un rappel bref, inshallah ta'ala, en ce qui concerne les jours à venir. Comme j'ai dit, on est le 27 du mois d'Al-Qa'da. Dans trois jours, commenceront les 10 premiers jours du mois d'Ul-Hijja. Ces 10 jours qui sont les meilleurs jours de l'année, d'une manière absolue. Donc la première chose qui nous concerne ici est le premier point important, c'est d'être sensibilisé à l'immensité de ni'ma qu'Allah t'a permis de vivre jusqu'à atteindre ces jours-là. C'est une ni'ma immense. Tout d'abord, tu dois commencer par être sensibilisé à l'immensité de cette ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme de beaucoup de personnes de ton entourage. Et toi, il t'a permis de vivre jusqu'à profiter de ces jours-là. Et profiter de la baraka de ces jours. Ces jours au sujet desquels le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, comme dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam » يعني ayyam al-ashr. « Qalu ya Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah ?»« Qala wala al-jihadu fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, falam yarji' min dhalika bi shay'. » Donc, dans ce hadith, dans lequel le prophète, il dit, il n'y a pas des jours dans lesquels les bonnes actions sont aussi méritoires que ces jours-là, en faisant allusion au jour de Dhul-Hijja, en faisant allusion aux 10 premiers jours de Dhul-Hijja, du mois Dhul-Hijja. Les compagnons, radiyallahu anhum, étonnés de cela, car c'est une science nouvelle pour eux, et connaissant la valeur du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le statut du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est fait sincèrement, et en réunissant les conditions, et non pas comme ce que font Al-Qaïda et Daesh et Nusra et tous ces khawarij qui salissent l'image de l'islam et qui nuisent à la réputation de l'islam chez ceux qui ne connaissent pas l'islam. Par contre, ceux qui connaissent l'islam, ils savent que notre religion est innocente de ces crimes que perpètent ces criminels contre des innocents. Donc le djihad qui réunit les conditions, conforme à la sunna, est fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant que sa parole soit la plus haute et la plus élevée. Donc sahaba, ils connaissent le statut de le djihad. Les œuvres pieuses dans ces jours-là sont meilleures que toute autre adoration en dehors de ces jours-là. Ils ont dit même pas le combat dans le sentier d'Allah, au messager d'Allah, il a dit même pas le combat dans le sentier d'Allah. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, il n'a fait exception que d'une seule catégorie de jihad. Que d'une seule catégorie de jihad qui arrive rarement. C'est l'homme qui sort pour combattre dans le sentier d'Allah en réunissant les conditions. Il sort avec sa personne et avec ses biens. Ses biens, c'est-à-dire il sort avec ses armes et ses montures. Et il se fait tuer dans le combat. Et l'ennemi prend ses armes et prend également sa monture. Il ne revient avec rien de tout cela. Il y a juste cette exception qui est faite, la seule. Sinon, le Nabi alayhi salam a dit al-amal salih, al-amal, ça englobe toutes les œuvres et toutes les actions. Ça englobe toutes les œuvres et toutes les actions pieuses dans lesquelles il y a la sincérité et la conformité à la sunna. C'est pour ça, yani ça englobe la salat, ça englobe le siyam, ça englobe sadaqa, l'aumône, le jeûne, le hajj, le pèlerinage, l'umra, d'entretenir ses liens de parenté, d'avoir un bon voisinage et d'avoir des bons comportements et des bonnes moralités, tout ça rentre. Toute œuvre qui te rapproche d'Allah rentre dans l'amal salih. C'est pour ça ces 10 jours à venir sont une saison de bonne affaire pour le croyant. Et Allah, de par sa grâce et de par sa miséricorde, il nous accorde des périodes dans lesquelles les œuvres sont plus méritoires. Et à leur tête, c'est 10 jours de Dhul-Hijja. Et ces 10 jours de Dhul-Hijja sont les meilleurs jours de l'année d'une manière absolue. Il y a des savants qui voient que les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les nuits des 10 jours, des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, voit que c'est un avis faible et que les 10 jours de Dhul-Hijja sont meilleurs d'une manière absolue, à l'exception de la nuit de Al-Qadr qui est meilleure que les nuits de Dhul-Hijja. Mais sinon, les 10 jours, yani la journée dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijja est meilleure que la journée dans le mois de Ramadan, même dans les 10 dernières nuits. Vous imaginez le mérite que ça, c'est les meilleurs jours dans l'année. Et dans ces jours-là, il est légiféré pour le croyant de multiplier les bonnes œuvres et les bonnes actions, de jeûner, de faire nawafil, de réciter le Coran, de faire sadaqa, et ainsi de suite. Et en particulier, dhikrullah, de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et son évocation. Et les dhikr qui est légiféré est de 2 catégories dans ces 10 derniers jours, ces 10 premiers jours. Dhikr al-mutlaq, qui commence avec l'entrée de ces jours, Tu peux dire par exemple Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ou autre formule qui est rapportée authentiquement. Et de le dire dans les marchés partout où t'es. Et ça, c'est une sunna à revivifier. C'est une sunna qui est abandonnée par la majorité des musulmans. Dans ces 10 premiers jours, c'est légiféré pour toi de faire at-takbir et de faire dhikr d'or chez toi, partout où que tu sois. Et à partir de Salat al-Fajr, du jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul-Hijjah, il t'est légiféré de faire ce qu'on appelle dhikr al-muqayyad, après les salawats obligatoires. Il continue jusqu'à Salat al-Asr, la dernière salat après laquelle on le fera, Salat al-Asr, du 13e jour de Dhul-Hijjah. C'est là où il s'arrête. Donc, parmi les sagesses qui ont été citées par les hommes de science au sujet du mérite de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a des savants qui ont dit que la raison, et parmi les sagesses, c'est que toutes les adorations se réunissent dans cette période-là. Et ça, ça n'arrive que dans cette période, dans toute l'année. Dans cette période, t'as les salawats obligatoires, les 5 salawats, les salawats surrogatoires. T'as le jeûne qui est légiféré et qui peut être obligatoire pour ceux qui n'ont pas pu immoler la bête après leur pèlerinage. T'as les aumônes et les sadaqat et les zakat pour ceux dont le terme arrive dans cette période. T'as le pèlerinage, et le pèlerinage qui ne s'accomplit que dans cette période, dans toute l'année. C'est pas possible de le faire en dehors de cette période. T'as l'umra, t'as l'udhiya, l'hadi, le sacrifice de la bête, t'as dhikr, al-talbiya, l'invocation. Toutes ces adorations-là, qui représentent le tawhid, le monothéisme pur, toutes ces adorations et bien d'autres ne se réunissent que dans cette période-là. Également parmi les adorations spécifiques à cette période, c'est le jeûne du jour de Arafah, le 9e jour du mois de Hijjah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, le jeûne du jour de Arafah, j'espère d'Allah qu'il soit une expiation pour les péchés de l'année passée et de l'année en cours. Et le jeûne de Ashura, j'espère d'Allah qu'il soit une expiation pour l'année passée, l'année précédente. Donc le jeûne d'une journée peut être une expiation pour tous tes petits péchés que tu as commis dans l'année. Par contre, les grands péchés, comme vous savez, nécessitent un repentir qui réunit les conditions. Et parmi les adorations également légiférées et qui sont spécifiques à cette période, c'est l'immolation de la bête, le jour de l'Eid, le 10e jour du mois Dhul-Hijjah, où il était légiféré de sacrifier un mouton ou n'importe parmi les catégories qui sont légiférées, à savoir le bétail, de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, c'est quoi ces bêtes qu'on sacrifie pendant ce jour de l'Eid? Il a dit, c'est la sunna, la tradition de votre père Ibrahim, alayhi salam. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a si on l'accomplit? Il a dit, avec chaque poil de la bête sacrifiée, vous aurez une bonne action. Il a été rapporté dans un hadith, dans Sunan Tirmidhi, selon notre mère Aïcha, que le prophète, alayhi salam, aurait dit, il n'y a pas ni le fils de Adam, il n'a pas fait une œuvre plus méritoire dans le jour de l'Eid il n'a pas fait une œuvre plus méritoire que le sacrifice de la bête. Et il n'a pas fait une œuvre plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que de sacrifier et d'immoler la bête et de couler le sang. Ce hadith a été jugé bon par l'imam Tirmidhi. Cheikh Al-Albani l'a jugé faible. En tout cas, le sacrifice de la bête, cet acte d'adoration qui est le meilleur acte d'adoration que tu puisses faire dans la meilleure journée de l'année, qui est le jour 10 du mois de l'Hijja, le jour du grand pèlerinage, Yawm al-Hajj al-Akbar. Pour la plupart des savants, c'est le meilleur jour de l'année. Et la meilleure des adorations que tu puisses faire ce jour-là, c'est de couler le sang. C'est ça l'acte d'adoration. Et de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, en prononçant son nom, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, faut faire attention à tomber dans des pièges de shaitan par rapport à certains de nos frères et sœurs qui disent que nous, on n'aime pas la viande du mouton. L'acte d'adoration, c'est pas que tu manges la viande de mouton. C'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est un acte extrêmement méritoire que personne ne doit délaisser en étant capable de le faire. Même celui qui n'a pas les moyens, il est légiféré pour lui de s'emprunter, d'emprunter et de s'endetter s'il voit qu'il sera capable de rembourser, de s'endetter afin d'accomplir cet acte d'adoration. Faut pas le négliger. Donc mes frères, par rapport à notre sujet qui est la demande de science et ses mérites, tout d'abord, il faut savoir quelle est la science que nous voulons demander et que nous cherchons à apprendre. La science qui est visée, c'est la science du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, et tous les outils qui nous aident à bien comprendre ces deux fondements de notre religion. Le livre d'Allah et la sunna, la tradition de son prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi les outils, la science de Nahu, de Sarf, de Balagha, de Usul al-Fiqh, Mustalah al-Hadith, et ainsi de suite. Tous ces outils qui nous aident à comprendre les deux fondements de l'islam, les deux sources de l'islam, le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, la demande de science est une obligation pour chaque musulman et muslima. La demande de science est une obligation pour chaque musulman et muslima. Chacun d'entre nous, il doit demander la science qui lui est nécessaire pour adorer Allah comme Allah aime être adoré. Comme nous devons adorer Allah seul, nous devons l'adorer comme il aime et non pas comme nous on aime. Car l'adorer comme on aime, c'est suivre les passions. Et le mérite de la science réside dans le fait que la demande de science et la science que t'obtiens est le seul moyen pour la piété et les bonnes œuvres avec lesquelles tu auras les degrés élevés auprès d'Allah et le bonheur éternel. Donc il suffit de savoir cela pour réaliser le mérite de cette science que tu cherches à demander. Et la demande de science, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration, comme toute adoration, sur laquelle tu dois avoir de la constance et de la fermeté dans cette voie. Comme il a été rapporté de Abu Hanifa, il a dit « Al-fiqhu ma'rifatu nafsi ma laha wa ma 'alayha ». Il a dit la science ou la jurisprudence, mais ce qui est voulu c'est la science. C'est que tu saches tes droits et tes obligations. Et il a dit, et la science, elle n'est demandée que pour la mise en pratique. Car une demande de science sans mise en pratique, c'est comme un arbre sans fruit. Tu demandes la science pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Et ensuite, il a dit, et la mise en pratique, c'est l'abandon de ce bas monde éphémère pour l'au-delà. Donc, la mise en pratique, c'est l'abandon des biens éphémères de ce bas monde. Et la mise en pratique de la science, c'est que tu demandes l'akhira, l'au-delà. Yani, le renoncement aux biens de ce bas monde. C'est ça, la mise en pratique de la science. Plus tu demandes la science, quand cette science est profitable, et quand tu la demandes avec les différentes conditions, nous allons voir quelques-unes, Inch'Allah ta'ala, quand ces choses-là sont réunies, cette science, elle t'oriente vers l'akhira. Et elle t'éloigne de dunya. Car la science, elle te permet de voir la bassesse de ce bas monde. Et de voir ce bas monde comme il est réellement. Et de ne pas être leurré. Donc, la demande de science est une adoration. Qui dit c'est une adoration, dit que ça nécessite la sincérité comme toute adoration. Comme toute adoration, tu dois être vigilant par rapport à ton intention dans la demande de science. Pourquoi t'apprends? Pourquoi tu demandes la science? Car la bonne intention, c'est la base dans toute adoration et dans toute œuvre. Comme a dit le prophète, innamal a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. C'est pour ça, tu peux trouver des gens qui sont dans des actes mondains, qui ne sont pas des adorations, mais qui sont rétribués comme si c'était des adorations avec leurs bonnes intentions. Tu trouves la personne, elle travaille pour gagner sa vie, mais en mettant des bonnes intentions, comme le fait de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, aider ses frères, aider sa communauté, avec ce qu'il gagne comme argent, manger le halal, et les intentions sont nombreuses. Tu trouves que cet acte mondain, il se transforme en une adoration. Et inversement, une personne qui est dans un acte qui est une adoration à la base, elle demande la science, c'est une adoration. Quand tu demandes la science de la religion, c'est une adoration. Lakin, quand il n'y a pas la bonne intention, ça devient comme un acte mondain. Et même ça peut devenir pire. Wal'iyadu billah. D'où l'importance de la bonne intention. C'est pour ça, pour chaque demandeur de science, il doit avoir comme intention de se rapprocher d'Allah avec sa demande de science, avec cette adoration qu'Allah aime énormément, et chercher sa satisfaction et son agrément, et chercher l'au-delà. Et aussi, parmi les bonnes intentions, c'est de s'en sortir de l'ignorance et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Et parmi les bonnes intentions également qui peuvent venir par la suite, quand la personne elle arrive à un niveau dans la science, c'est de revivifier la religion et de préserver l'islam. Car l'islam, il ne peut être préservé qu'avec la science. C'est ça la cause de préserver cette religion. C'est de garder la science authentique, la science du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des compagnons qu'Allah les agrée tous, la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et vouloir la face et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ta demande de science et non pas l'estime des gens et le respect des gens. Et quand tu es présent, ils te permettent de parler et de tenir des discours. C'est pour ça toute personne qui demande la science et qui la met en pratique, tu vas la trouver loin de ce que des biens des gens. Tu trouveras que cette science qu'elle a savourée et qu'elle a mise en pratique va l'éloigner de demander ce qu'il y a entre les mains des gens. Également, parmi les points très importants dans la demande de science, c'est de choisir l'enseignant et de choisir le compagnon et de rester constant dans cette demande de science. Tu dois choisir comme enseignant. Quand je parle de l'enseignant, je parle de la demande de science qui se fait dans ses règles. Car la demande de science, à la base, ça se fait en langue arabe, auprès des hommes de science. Et ce que nous pouvons faire en français, ça reste du dépannage en attendant d'acquérir la langue arabe. C'est pour ça celui qui n'a pas encore la langue arabe qui lui permet de demander la science auprès des savants, elle doit apprendre ce qui valide sa religion et commencer par les sciences les plus prioritaires, notamment at-tawhid, et connaître de l'fiqh, ce qui lui permet d'accomplir ses adorations d'une manière correcte. Salat, quand le jeûne arrive, quand elle a atteint le nisab, le seuil de la zakat, et ainsi de suite. Et c'est pour ça, quand tu as le choix entre plusieurs enseignants, choisis celui qui a le plus de science. Choisis celui qui a le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisis celui qui est le plus loin de dunya, qui est le plus dans le délaissement de dunya parmi les chouyours que tu as à disposition. Lakin, si tu n'as qu'un seul cheikh, il n'y a pas cette question, elle ne se pose pas. Le cheikh duquel tu apprends, il doit être parmi les chouyours de Al-Sunnah wal-Jama'a, qui suit la Sunnah et qui est avec les hommes de science. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Et ça, c'est parmi les erreurs très répandues dans les rangs des salafiyyin. Je ne dis pas de ceux qui ne suivent pas la Sunnah, de ceux qui ne connaissent pas la salafiyya. Je parle des salafiyyin qui tombent dans ces erreurs-là et qui écoutent n'importe qui et n'importe quoi et ils finissent par attraper des ambiguïtés. Ya akhi, est-ce que tu réalises ce que représente ta religion? Est-ce que tu réalises ce que représente cette religion? Cette religion, c'est la clé de l'au-delà. C'est le paradis ou l'enfer. Et si tu attrapes une ambiguïté qui te fait tomber dans une déviance, peut-être qui te fait sortir de l'islam, ou qui te fait douter des fondements de la religion, comment tu vas sortir cette chose-là de ton cœur? C'est pour ça, plus tu vas réaliser l'immensité de cette ni'ma de l'islam, plus tu vas être attaché à la préserver. Et compare toujours aux gens de dunya. Quelqu'un qui a un trésor, est-ce qu'il va le placer sur un trottoir ou sur un côté de sa maison? Est-ce que c'est comme ça que les gens ayant des trésors font? Bien évidemment, non. Ils vont chercher des coffres-forts, ils vont trouver des garanties, des endroits sûrs pour placer leur trésor. Et là, on parle d'un trésor de dunya. Dunya depuis son début jusqu'à sa fin. elle ne vaut pas l'aile d'un moustique. Qu'est-ce que ça représente, ce trésor dans l'aile du moustique? Et toi, t'exposes ta religion à des dangers et t'écoutes tous ceux qui parlent de religion sans te renseigner avant. Il t'est pas demandé de connaître tous ceux qui sont sur la salafia et ceux qui sont sur l'innovation. Mais à chaque fois que tu souhaites écouter une personne, tu dois savoir est-ce qu'il suit la sunna ou pas. Et tu dois demander avant d'écouter. Avec le fitna de ces réseaux sociaux, cette chose-là est devenue très difficile pour beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et on risque notre religion ainsi. Et on attrape des ambiguïtés qui ne font douter des savants et de l'ulama par des ignorants, des malades. Et après, on attrape leur maladie. Donc, choisis le savant le plus âgé, le cheikh le plus âgé, le cheikh qui a le plus de science, le cheikh qui a le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut dire, moi à mon niveau, je ne peux pas faire la distinction. Je suis un jahil. Je suis dans le début de mon apprentissage. On lui dit, reviens vers les hommes de science, c'est eux qui vont indiquer celui qui réunit ces descriptions. Et arme-toi de patience et d'endurance et de constance. Ça, c'est la base de tout succès et de toute réussite, quel que soit le domaine. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose de rare chez les gens. C'est une qualité rare, la patience et la constance. C'est pour ça que tu dois patienter. Tu t'es mis sur le chemin de l'apprentissage. C'est une ni'ma immense. Demande à Allah, à chaque fois, quand tu fais une salate, tu dis, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Notamment le chemin de l'apprentissage. Toi, t'es guidé dans le chemin de l'apprentissage. Aujourd'hui, t'apprends. Et t'écoutes des cours, et tu prends des notes, et tu révises avec tes frères et sœurs en Allah. T'es guidé dans le chemin de la science. Alhamdulillah. Mais demande, quand tu dis, ihdina as-sirata al-mustaqim, pense aussi à la constance et à la fermeté sur cette voie jusqu'à rencontrer Allah. La demande de science, c'est une adoration. Tu vas pas t'arrêter quand tu deviendras comme Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Ibn Uthaymeen, ou Cheikh Al-Albani. Au contraire, c'est là où tu vas réaliser encore plus ton ignorance. C'est pour ça qu'ils disent, dans la demande de science, il y a trois étapes. Quand tu commences dans la première étape, tu as l'impression que tu connais toute chose. Quand tu rentres dans la deuxième étape, tu réalises, tu commences à devenir modeste. Tu commences à devenir modeste. Dans la première, la personne, en général, elle devient orgueilleuse. Elle pense qu'elle maîtrise toutes les questions. Il a étudié plusieurs livres dans le fiqh, il a. Il finit par croire qu'il est devenu comme un savant. Il répond à toute question. Il ne revient plus au savant. C'est lui le savant. Après, il apprend encore plus et il réalise que c'est pas comme ce qu'il pensait. Il devient modeste. Et dans la troisième étape, il réalise son ignorance. Vous imaginez, quand il arrive vers les phases finales de l'apprentissage, c'est là où il réalise encore plus son ignorance. Donc, patiente dans le livre que tu apprends. Tu as commencé un livre, ne le quitte pas jusqu'à le terminer. Du début jusqu'à la fin. Également, choisis ceux qui t'accompagnent sur cette voie. Car la demande de science ne se fait pas d'une manière individuelle. Tu as besoin d'un frère. Et pour la sœur, elle a besoin d'une sœur. Elle peut réviser avec son mari, mais elle a besoin d'une sœur comme elle pour continuer à apprendre. Et choisis parmi les amis dans l'apprentissage ceux qui ont une détermination, ceux qui ont une nature humaine saine, qui sont encore sur cette nature humaine saine, qui n'ont pas des déviances. Ceux qui ne sont pas attirés par dunya, par les magasins, par la sœur, à chaque fois tu la vois, viens, on va faire une balade dans tel magasin, cette sœur-là est loin toi d'elle. Fais-lui des invocations, mais elle va pas t'aider dans ton apprentissage. Et éloigne-toi du paresseux. À chaque fois, tu lui dis, viens, on apprend. Il dit, aujourd'hui, je suis fatigué. Éloigne-toi de lui. Et éloigne-toi de celui qui est touché par le fitna. C'est pas une fitna de connaître la vérité et de la suivre. Mais ce qui est voulu quand les savants ils parlent de s'éloigner de le fitna, c'est celui qui est souvent dans les polémiques, dans les discussions, dans les débats, les discussions futiles dans lesquelles il n'y a pas d'intérêt, il cherche toujours à polémiquer, il rentre dans les querelles, dans les disputes, celui-là, et il cherche que, yani, c'est pas comme ce que je vous ai dit, tu veux prendre d'une personne, tu te renseignes sur elle, mais lui, il va chercher plus, et alors qu'il est très débutant, et il va rentrer dans des choses plus grande que son niveau. La Hakim, quand il y a un problème, comme cette fitna, la fitna de Ben Hadi, tu dois connaître la vérité. Et la vérité, tu peux la connaître en 2 minutes. Faut pas faire croire que t'as pas de temps, non. Elle est facile à comprendre en 2 minutes. Et tu mets un point et tu continues dans ton apprentissage. Car, si tu connais pas la vérité des gens de la vérité, et la garantie et la certitude que les gens de l'égarement, de la déviance, viendront te mettre des choubouates et des ambiguïtés. C'est pour ça, prémunis-toi et préserve-toi avant d'attraper des ambiguïtés. Donc, sois avec des gens qui ont yani, une personnalité équilibrée, qui s'attachent à la sunna, qui aiment la salafia, qui aiment les savants, et qui sont sérieux dans leur apprentissage. Également dans l'apprentissage et dans la demande de science, mes frères, il est très important de respecter ceux de qui on prend la science. Et sache que tu n'obtiendras la science qu'en respectant les hommes de science. Et plus tu les respectes, quand on parle des hommes de science, bien évidemment, on parle de Al-Sunnah wal-Jama'ah. Et plus tu respectes les hommes de science, plus tu vas tirer profit de leur science. Car respecter la science, qui est un devoir pour toi, de respecter cette science, d'aimer cette science, de l'estimer à sa juste valeur, rentre dans cela, d'estimer à leur juste valeur les porteurs de cette science. Ceux de qui tu prends cette science. Également, fait partie du respect de la science, de respecter les outils de la science, qui sont les livres, et aussi les autres outils que tu utilises dans ton apprentissage. Ne jette pas ton livre ni nulle part et là. Ton livre, respecte-le. Et ça va être une cause qu'Allah t'accorde cette science. De respecter la science et les hommes de science et les outils de la science, ça c'est parmi les grandes causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la science et t'accordera la bonne compréhension de cette science. Car la bonne compréhension, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'obtiendras pas par ton intelligence, ni par tes efforts, ni par ton assiduité, tu l'obtiendras par pur bienfait et pure faveur et pure grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans notre apprentissage, on doit faire preuve de détermination et de fermeté et de persévérance. Comme Allah azza wa jalla dit, « Ya Yahya, khudhil kitaba biquwa » Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Yahya alayhi salam, il lui a dit, prends le livre avec fermeté. Ça fait allusion à la manière avec laquelle on doit prendre cette science. Allah azza wa jalla dit, والذين جاهدوا فينا لنهدين لهم سبلنا. Dans le sens approximatif, ceux qui luttent pour notre cause, nous les conduirons vers nos chemins. Allahu Akbar. Si tu fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, des efforts dans ton apprentissage, Allah te guidera vers ses chemins et t'accordera la science et t'accordera la compréhension, la bonne, et te facilitera la mise en pratique de ce que tu apprends. Car c'est ainsi que cette science devient profitable pour toi. Celui qui demande une chose avec fermeté et détermination, il finit par l'obtenir, que ce soit dans les affaires de Dunia ou les affaires de la religion. Le demandeur de science également se doit de s'éloigner de toutes les maladies du cœur avant la demande de science, pendant la demande de science. Toujours purifie le récipient dans lequel cette science sera placée. Le récipient de la science, c'est le cœur. Et un cœur malade n'acceptera pas la science profitable. C'est pour ça, il est très important pour toi dans ta demande de science de veiller sur la pureté de ton cœur et de t'éloigner de toutes les maladies du cœur, comme la jalousie, l'enviosité. Si tu vois que ton frère il a plus de facilité que toi, sache que c'est un risque de la part d'Allah. Et demande à celui qui lui a donné. Et ne le jalouse pas. Et aime son bien. Et ne déteste pas de voir sur lui cette ni'ma de la part d'Allah. Car Allah a voulu lui a donné. Et toi, tu ne veux pas qu'il l'ait. C'est une opposition à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, éloigne-toi de la jalousie, de l'enviosité. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, des querelles, des disputes, et de perdre ton temps dans des futilités. Soit avec des gens qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, tous on a besoin de moments de distraction. De moments où on repose notre âme. Tous on a besoin de ça. Lakin, fais que ton divertissement soit dans des choses autorisées. Soit dans des choses autorisées et non pas dans des futilités et des choses yani, qui ne conviennent pas à quelqu'un qui apprend la religion. C'est un honneur. C'est un honneur de demander cette science. Et aussi parmi les conseils des savants, pour le demandeur de science, c'est de savoir que plus tu auras de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu auras de soucis à mettre en pratique ce que tu apprends, plus Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera dans cette voie de l'apprentissage. Et plus tu tireras profit et fais partie des choses que tu dois, desquelles tu dois t'éloigner, l'excès dans le manger, le sommeil, les paroles futiles dans lesquelles il n'y a pas d'intérêt, tu dois diminuer la quantité de ce que tu manges et te reposer suffisamment, mais pas dans l'excès. Et aussi parler quand ces paroles-là sont des paroles qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala ou au minimum des paroles autorisées. Et ne néglige pas le comportement. Surtout pour toi, demandeur de science. Ça, c'est pour tout musulman. Lakin, d'une manière encore plus importante pour le demandeur de science, il se doit d'acquérir les bonnes moralités et les règles de politesse et le bon comportement. Car celui qui néglige le bon comportement, il finira par négliger le surrogatoire, comme a dit un salaf. Et celui qui néglige le surrogatoire, il finira par négliger il finira par négliger les obligations. Et celui qui néglige les obligations, il finira par ne plus se préoccuper par l'au-delà. Et ça sera la cause de sa perdition. Ne fais pas une chose parce que la plupart des gens la font. Toi, tu es dans la demande de science. Tu as des moralités spécifiques aux demandeurs de science. Et c'est avec ce adab que tu obtiendras la bonne compréhension, comme a dit l'imam Shafi'i et plusieurs parmi salaf. Bil adabi tafhamu al-ilm, avec le bon comportement et avec les bonnes manières, tu auras la compréhension de la science, dans la science, et la compréhension de la religion d'une manière générale. Et sache, mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala, que il n'y a pas une chose qui t'aidera dans la mémorisation. Il n'y a pas une chose qui t'aidera plus dans la mémorisation, dans la compréhension. Il n'y a pas une chose qui sera une cause de baraka comme la récitation du Coran. Récite le Coran autant que tu puisses dans ta journée. Ne laisse pas passer une seule journée dans laquelle tu n'as pas récité le Coran. Et le mieux, c'est de réciter le Coran, de le mushaf. Si tu révises et tu récites par cœur, na'am, lakin est un moment où tu récites directement le mushaf. Ça, ça aide, comme les savants le précisent, ça aide à avoir une bonne mémorisation. Et la récitation du Coran d'une manière générale, que ce soit du mushaf ou par cœur, c'est une cause de baraka. Et plus tu souhaites de baraka dans le Coran, récite autant de Coran que tu souhaites de baraka dans ta journée. C'est pour ça, certains salafs, ils disaient, en lisant le Coran, on cherchait la baraka dans notre mémorisation et dans nos assises de science. Le Coran, c'est ce qui t'aide dans ta demande de science. C'est pas parce que tu demandes la science que tu vas t'éloigner du livre d'Allah. Au contraire, la science, c'est tout d'abord le livre d'Allah. Et une quantité de Coran que tu mémorises quotidiennement, ne serait-ce qu'un verset par jour, et une quantité de Coran que tu révises tous les jours également, et une quantité de Coran que tu récites tous les jours directement de le mushaf. Voilà, d'une manière résumée, pour aujourd'hui, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce que nous avons dit soit un argument en notre faveur et non pas contre nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.